Son père, pendant les vacances, le laissait au collège. Une traduction de Platon, ouverte par hasard, l'enthousiasma. Alors, il s'est pris d'études métaphysiques, et ses progrès furent rapides, car il les abordait avec des forces jeunes et dans l'orgueil d'une intelligence qui s'affranchit. Geoffroy, Cousin, La Romiguière, Malebranche, les Écossais, tout ce que la bibliothèque contenait y passa. Il avait eu besoin d'en voler la clé pour se procurer des livres. Les distractions de Frédéric étaient moins sérieuses. Il dessina dans la rue des Trois-Rois la généalogie du Christ, sculptée sur un poteau, puis le portail de la cathédrale. Après les drames au Moyen-Âge, il entama les mémoires. Froissart, Comines, Pierre de l'Étoile, Brantôme. Les images que ces lectures amenaient à son esprit l'obsédaient si fort qu'il éprouvait le besoin de les reproduire. Il ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Des Lauriers méditait un vaste système de philosophie qui aurait les applications les plus lointaines. Il causait de tout cela, pendant la récréation, dans la cour, en face de l'inscription morale peinte sur l'horloge. Ils en chuchotaient dans la chapelle, à la barbe de Saint-Louis. Ils en rêvaient dans le dortoir, d'où l'on domine un cimetière. Les jours de promenade, ils se rangeaient derrière les autres et ils parlaient interminablement. Ils parlaient de ce qu'ils feraient plus tard, quand ils seraient sortis du collège. D'abord, ils entreprenaient un grand voyage avec l'argent que Frédéric prélèverait sur sa fortune à sa majorité. Puis, ils reviendraient à Paris, ils travailleraient ensemble, ne se quitteraient pas. Et, comme délassement à leurs travaux, ils auraient des amours de princesse, dans des boudoirs de satin, ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. Des doutes succédaient à leurs emportements d'espoir. Après des crises de gaieté verbeuse, ils tombaient dans des silences profonds.